I'm not saying you get. I'm not saying who my friends are. Bonjour à toutes et tous. Et je dis encore bonjour à Denise. Fidélité lui disait qu'elle est étrangère, qu'elle n'a qu'à se montrer, se présenter. Bon, c'est pas une étrangère, mais c'est parce qu'elle était absente. Elle est revenue et nous disons merci à notre Dieu pour cette grâce. J'espère que tu as amené beaucoup d'anglais dans ton sac, hein, parce que tu peux pas aller faire tout ce temps-là sur les Ghanaïens, puis tu as toujours du français. Ok. Donc c'est vraiment une grâce pour nous ce matin encore de pouvoir nous entretenir avec les conseils qui viennent de la parole de Dieu. Comme la chorale l'a chanté tout de suite, nous sommes effectivement à 4 dimanches, les 4 derniers dimanches avant la Noël. Et j'ai décidé de continuer avec ce que j'avais commencé le dimanche passé. Et je me dis que celui qui aura la charge de prêcher le dimanche prochain va commencer à parler de la Noël avant que nous n'y rentrons. Bon, je n'ai pas encore choisi quelqu'un, mais je sais que les gens seront prêts à prêcher et puis ils vont commencer à parler de Noël. J'ai décidé de continuer parce que, si vous vous rappelez, le dimanche passé, nous avons parlé d'un certain nombre d'obstacles qui peuvent se trouver sur le chemin de celui qui veut demeurer comme un disciple fidèle. Et nous avons parlé de trois. Est-ce que vous vous rappelez un peu? Parce que j'ai dit qu'on note de 0 à 20, mais on peut aller jusqu'à moins l'infini. Est-ce que vous vous rappelez d'un de ces obstacles-là? Ou bien toutes les activités du dimanche et de la semaine ont fait, vous avez tout oublié? Samuel, tu te rappelles pas d'un seul de ces obstacles-là? Tout est parti dans médecine là. Oui, quelqu'un ne se rappelle pas d'un des obstacles dont nous avons parlé. Rappelez-vous du texte, Luc 14, nous avons lu du verset 25 jusqu'au verset 35. Le premier obstacle, c'était lequel? C'est comment, oui? Voilà, vous voyez, les gens les plus proches de nous, Jésus demande de haïr ces gens-là. C'est un obstacle. Ce sont des gens qui sont proches de nous. Comment est-ce qu'on peut ne pas les considérer? Le deuxième obstacle était de porter sa croix. Quelque chose qui n'est pas simple à porter. C'est assez lourd quand même. Il y a suffisamment d'efforts qu'il faut faire. Les difficultés que vous devez rencontrer. La manière dont les gens vont vous juger. Il faut supporter tout cela, les tribulations. Et le dernier obstacle, c'est au verset 33, il a dit quoi? De renoncer à tout ce qu'on possède. Voilà. Si vous pouvez renoncer à ce que vous possédez, et je vous ai dit, tous les autres semblent un peu faciles à faire, mais cette partie est compliquée, n'est-ce pas? Parce que si vous voyez, vous attrapez Léa tout de suite, vous lui dites la moto là, il faut me la passer. Elle dit non, c'est à mon nom. Regardez la carte grise, c'est ma moto. C'est pour elle. C'est pas pour elle? Léa, je pose la question, c'est pas pour toi? Ah, si vous ne la frappez pas, retirez, elle ne va pas vous donner. C'est sa chose, c'est pour elle. Et nos possessions, très rarement nous acceptons lâcher parce que nous considérons que c'est pour nous. Voilà cet obstacle et je voudrais que nous voyons les perspectives de Dieu concernant nos possessions. Nous avons notre manière de voir les choses. Comme ce que je viens de donner comme exemple, la moto m'appartient, la carte grise est à mon nom, et si on va devant le droit, c'est ma chose. On ne peut pas me retirer cela. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est nous, notre manière de voir les choses en tant qu'humains. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu regarde les choses? Voilà ce que nous devons découvrir ce matin, les perspectives de Dieu sur nos possessions. Je dis bien nos possessions, je mets tout dedans. Votre intellect, votre argent, votre maison, vos habits, tout ce qui vous appartient, toutes les possessions, Dieu, qu'est-ce qu'il dit de cela? Et je crois que si nous comprenons cela, nous pouvons comprendre pourquoi c'est difficile. Et à partir de ce que Dieu veut que nous ayons comme attitude, nous pourrons facilement nous en défaire. Je voudrais que quelqu'un lise le psaume 24, le verset 1. Psaume 24, verset 1. Si quelqu'un a la version français courant, que la personne lise cela pour nous. Psaume 24, verset 1. Le psaume de David. Qu'est-ce qu'il dit? C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient. La terre avec ce qu'il habite. Ok. Tu peux répéter encore? C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient. La terre avec ce qu'il habite. Merci. Dans ma version du second, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas à Dieu? Je vous pose la question. Si c'est en mathématiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui est exclu de la possession de Dieu? On a dit quoi? Le monde et ce qu'il contient. Et puis, ceux qui l'habitent, vous et moi. Il n'y a pas de possibilité mathématique de sortir quelque chose de là et de mettre dans un autre ensemble. Non. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Que vous soyez littéraire ou mathématicien, tout le monde est dedans. Le monde et tout ce qu'il contient et ceux qui l'habitent. Voilà. Donc, si vous appartenez à Dieu, est-ce que ce que vous avez peut vous appartenir? Je vous ai déjà raconté l'histoire de cet homme avec son esclave. Hein? Il était immensement riche parce que son esclave était quelqu'un qui savait faire le commerce et tout le temps, sa fortune ne faisait que grandir. Alors, un jour, quelqu'un a eu l'idée de demander, « Mais écoute, il faut que tu me dises combien de biens tu possèdes. » Vous voyez? Demandez à l'esclave, là, combien de biens tu possèdes. Bon. Son maître lui avait laissé tout et il faisait, ça progressait et ça ne faisait que fleurir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à compter, à compter, à compter, à compter, sans finir. Voilà les animaux, voilà l'or, voilà ceci, voilà cela. Et puis, on a demandé au maître là, que lui, il n'a qu'à dire ce qui lui appartient. Il a commencé par dire que lui, il m'appartient. L'esclave là, oui, parce que son esclave, il a dit, en commençant par compter, il a dit, un, c'est lui. Est-ce qu'il peut ajouter autre chose encore? Rien. Donc, tout lui appartenait le maître en réalité. Parce que si l'esclave dit qu'il a ceci, mais si l'esclave appartient au maître, ça veut dire que s'il appartient au maître, l'esclave n'a presque rien. C'est le maître à qui appartient tout. Voilà. Si le monde et ce qu'il contient et ce qui l'habite appartiennent à Dieu, vous voyez que souvent, notre manière de voir les choses, nos attitudes ne sont pas convenables. Ou bien, je vous pose la question, est-ce que nos attitudes sont convenables? Je voudrais que nous voyons deux attitudes. Il y a une première attitude qui est celle de ceux qui considèrent que ce que j'ai m'appartient. Pensez à quelqu'un qui a son salaire. Dieu n'est jamais descendu pour travailler à sa place. Ou bien, c'est lui qui se lève tôt, qui se fatigue, qui court, qui sue à grosses gouttes, et à la fin du mois, le patron l'appelle et puis on lui donne. Il va dire, Dieu n'est pas dedans. C'est moi qui cours. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui fais cela. À la fin du mois, c'est mon salaire. Voilà. Ça, c'est la manière de voir les choses. C'est pour moi, c'est à la sueur de mon front, que j'ai acquis cela. Ça, c'est une vérité. Mais il y a une autre vérité derrière. Et je voudrais que nous réfléchissons un peu à cela. Je voudrais que quelqu'un nous lise Deutéronome 8, les deux versets 17 et 18. Ce que Dieu a dit aux Israélites pour les mettre en garde. Deutéronome 8, les versets 17 et 18. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Souvenez-vous, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Et il confirme ainsi aujourd'hui encore l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Merci. Voyez, les Israélites étaient sur le point de rentrer dans cette terre-là et d'avoir affaire à toute l'abondance que Dieu avait promise de leur donner. Mais Dieu les met en garde. Il leur dit, il ne faudrait pas que votre prospérité-là vous fasse penser que c'est par votre propre force à vous. Et c'est ce que souvent nous voyons. En tant qu'humain, c'est la tendance. C'est par ma force que j'ai pu avoir ces greniers remplis. C'est moi qui travaille avec ma femme, mes enfants et mes ouvriers. Vous voyez? Nous avons tendance à voir que c'est nous. C'est par notre force, c'est par notre puissance, c'est par notre intelligence. Mais Dieu dit aux Israélites, faites attention. N'ayez pas dans vos cœurs ces pensées-là. Non. Ces pensées ne sont pas bonnes. Il ne faudrait pas que vous laissiez la prospérité vous tromper, parce que c'est par lui, Dieu, que vous avez la force pour pouvoir faire ces choses-là. Ce n'est pas par vous-même. Voilà l'attitude que nous avons souvent. Nous oublions que c'est par Dieu et non par nos forces à nous. Je vous pose un simple exemple. Je vous pose cette question-là. Imaginez quelqu'un qui a inventé une machine et avec cette machine, il produit quelque chose. Je vous pose la question. À qui appartient le quelque chose qu'il a produit? Ça appartient à qui? À la machine? Hein? Non. Ça appartient à l'inventeur de la machine, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec moi que ça appartient à l'inventeur de la machine, le roi David dit quelque chose concernant lui-même, comment on l'a conçu. Alors, si Dieu sait comment il vous a conçu, c'est lui qui vous a conçu. Tout ce que vous avez avec vous, vous ne pouvez pas parler d'autre chose. Ce n'est pas pour vous. Allons au psaume 139. Et je vais demander à quelqu'un de lire les versets 13 au verset 16. Psaume 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as créé ma personnalité. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Merci. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Jusqu'au 16, c'est fini? Oui. Ok. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Voilà comment David explique comment Dieu l'a façonné, l'a conçu lui. Dieu qui l'a conçu, après que il soit devenu roi, est-ce qu'il y a quelque chose que lui peut dire qu'il a et dont Dieu n'est pas au courant et cela n'appartient pas à Dieu? Non. Donc, concernant les perspectives de, sur nos biens, nous pouvons dire premièrement que Dieu est le propriétaire de toutes ces choses qu'il nous a données. Il est le propriétaire. Nous ne pouvons rien dire d'autre. Il y a des gens qui ont compris que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Lorsqu'on vous parle de John Wesley, c'est celui-là qui est le fondateur de l'église méthodiste. C'était un homme qui vivait par la foi. Par la foi. Et cet homme, un jour, pendant qu'il était quelque part, on l'a informé que le feu avait brûlé entièrement toute sa maison. Si vous étiez à la place de John Wesley, vous allez faire quoi? On va courir rapidement, non? Et même en lui allant, on commence à penser à tout ce qui est détruit. On lui a dit, ça a été entièrement décimé par les flammes. Vous allez penser à quoi? Je vous pose la question. Vos habits, peut-être votre argent que vous avez placé quelque part, les livres, pour certains, leurs cahiers, oh, c'est foutu. La session est foutue. Il faut que j'aille encore faire des photocopies avec les autres. Bon, vous voyez? Mais le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des choses étonnantes. Il a dit, ah, une maison de plus du Seigneur brûlée. Cela fait une responsabilité de moins. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il a dit, la maison du Seigneur a brûlé. Cela fait une responsabilité de moins. La raison, c'est quoi? C'était lui qui était responsable de cette maison. Si? Parce qu'il ne la considère pas comme pour lui. C'est pour le Seigneur. J'étais responsable. Donc, si la maison a totalement brûlé, ça veut dire quoi? Responsabilité finie. C'est pour cette raison qu'il a dit une responsabilité de moins. On peut dire que John Wesley était fou. Mais il n'était pas fou, cet homme-là. Non. Il avait un orphelinat. Et quand vous lisez tout ce qui le concerne, il lui arrivait qu'il n'y avait rien à manger. Avec tous ces orphelins là autour de lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'allait pas vers quelqu'un. Il s'asseyait et puis il disait à Dieu, tu as vu? Ces enfants doivent manger. Et il dit, c'est l'heure du déjeuner. Ils doivent manger. Et puis il ne discute pas. Il prie. C'est l'heure du manger, du déjeuner, ils doivent manger. Tu les vois. C'est fini. Mais avant qu'il ne soit l'heure exacte de manger là, quelqu'un va venir avec quelque chose donné et puis on va partager. Et il se lève et dit merci à Dieu, merci d'avoir pourvu. Il fait ça. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire un livre le concernant. J'ai un dans ma bibliothèque. Je crois qu'il y a un en anglais, un en français. Si vous avez l'occasion, lisez pour savoir comment cet homme était un homme réellement de foi. On pouvait dire qu'il était fou à la rigueur. Parce que devant un besoin, il ne tournait pas directement, il tombait sur Dieu et lui disait, je n'ai rien à te dire pour voir. Parce que c'était quelqu'un qui comptait sur la provision de Dieu et à chaque instant, sur la provision de Dieu, en argent, en nourriture, en santé, en tout. Voilà pourquoi il était capable de dire, c'est une responsabilité à moi, parce qu'il se considérait simplement comme un gérant de cette maison-là. Donc, voyez les attitudes. Et en tant que disciple, ça c'est une des choses que nous devons avoir comme attitude. Si je dis tout ce que nous possédons, il y a beaucoup de choses que nous possédons. Et lorsque nous avons l'attitude, la première, ce n'est pas sûr que nous acceptions qu'on touche à quelque chose qui nous appartient, quel que soit ce qu'on veut faire avec. Le deuxième aspect, concernant justement la perspective de Dieu, c'est que Dieu nous rend capable d'obtenir tout ce que nous avons. C'est lui qui nous rend capable de le faire. Et nous allons voir ce que le roi David a dit dans 1 Chronique au verset 12. Si quelqu'un là, il précise sa version et il lit pour nous. 1 Chronique 29, verset 12. Qu'est-ce que le roi David dit? La richesse et la gloire viennent de toi. domine sur toutes choses. Il possède la force et la puissance. Il détient le pouvoir de l'épée et de fortifier qui tu veux. Vous avez vu? Il dit, en fait, tout vient de Dieu. La richesse et la gloire. Tout cela vient de Dieu. Même la puissance. Tout cela vient de Dieu. C'est lui qui a la possibilité d'agrandir. Et je crois qu'il peut dire d'une autre façon aussi, il a la possibilité aussi de diminuer. C'est pas cela? Si lui peut agrandir, il peut aussi diminuer. Et un pasteur donnait un exemple à propos d'un jour où il parlait de la dîme. Il enseignait sur la dîme. Quand il a fini, il y a une de ses brebis qui était très riche, qui lui a dit, pasteur, vous pouvez facilement donner un dixième de ce que vous avez parce que vous ne gagnez pas beaucoup. Vous avez entendu? Et vous voulez que le pasteur réponde comment? Il a dit, pasteur, pour nous qui gagnons beaucoup, un dixième de ce que nous gagnons, c'est vraiment beaucoup. Et ce n'est pas facile à donner. Vous allez répondre comment en tant que pasteur à la place de, disons, quelle réponse allez donner à ce monsieur-là? Hein? Vous dites de ne pas donner. Pour le temps, tu vas lui dire de ne pas donner. Si tu dis ça, ça veut dire que demain, Dieu va te poser la question. Parce que tu ne lui as pas enseigné. Il faut que tu trouves une solution pour qu'il sache. Si tu lui dis ne donne pas, il ne va pas donner. Est-ce que ça l'arrange? Vous savez ce que le pasteur a fait? Le pasteur a dit, bon, c'est bien. Pour rendre la chose plus facile, voilà ce que je te propose. En fin du mois, le peu que je te gagne, je te donne. Et le beaucoup que tu gagnes, tu me donnes. De cette façon, ce serait plus simple pour toi d'enlever le dixième du peu que je t'ai remis pour remettre. Et moi, je pourrais facilement prendre le dixième de ce que j'ai pris chez toi. Vous pensez qu'il va dire quoi du pasteur? Mais ce type est insensé. Voyez, ça ce sont les paroles de quelqu'un qui a oublié une chose, ce que nous venons de voir tout de suite. Qui a oublié que c'est Dieu qui donne. Le beaucoup que lui il gagne, c'est Dieu qui le lui donne. Et il n'est pas rare, je vous dis la vérité, il n'est pas rare dans l'église de voir des gens qui s'asseyent souvent qui disent, mais est-ce que si tout le monde va donner comme moi là, est-ce que ça va aller? J'en parle parce que j'ai été aussi un comme ça. J'étais le seul professeur de la communauté à l'époque. Et puis j'avais un gros salaire. Et puis je me disais, mais qui donne comme moi? Est-ce que je suis obligé de tout donner? Je devais donner 14 000 et quelques, même 15 000. J'enlevais 8 000 et puis je donnais. Bon, quand je regarde tout le monde là, je ne vois pas quelqu'un qui avait un salaire qui pouvait donner plus de 8 000. Et puis j'étais tranquille. Vous savez ce que j'ai eu? Comme douleur, j'ai eu chaud. Je n'arrivais même pas. Ma femme est là. Je n'arrivais même pas en fin de mois à payer les... À l'époque, c'était Voltex. On appelait ça comme ça. C'est maintenant quoi? Face au... Voilà. L'usine de Koudougou, là. C'était Voltex à l'époque. Et les trois pailles, elles faisaient 3000 francs. 1000 francs, 1000 francs, trois fois. Mais je ne pouvais même pas payer trois pailles pour ma femme. J'avais un salaire de 144 000. C'était avant la dévaluation. C'est beaucoup d'argent, hein? Si vous multipliez aujourd'hui pour la dévaluation, ça peut s'approcher de 350 400 000. Mais je ne donnais pas ma dîme. Je donnais, je coupais une partie donnée et puis je dis quoi? Or, vous savez, si vous avez donné une partie, vous n'avez pas donné. Eh bien, et puis vous voulez être béni. Non, au lieu d'être béni, qu'est-ce que vous avez comme problème? C'est la malédiction. Et ce qui restait ne pouvait pas être utile pour moi. Et vous connaissez la leçon que Dieu m'a fait faire? J'ai fait 4 ans comme ça. Et la leçon que j'ai reçue de Dieu, c'était que les 14 400 ou même 500 que je devais donner là, il a fait que j'ai traversé un désert. Et ce que j'avais tout comme revenu, ça faisait 14 500. Comme la dîme là. Tout mon revenu était 14 500. Je faisais le SND et c'était comme ça qu'on nous payait mensuellement. Mais ma femme est là, elle peut vous témoigner. Elle n'a jamais manqué de quelque chose. Et pendant ce temps-là, j'avais une parcelle. Pendant 4 ans, je n'ai pas pu construire, je n'ai pas mis une brique dessus. Mais pendant que j'avais 14 500, j'ai construit une maison, 2 chambres, salon, avec porte et fenêtre métallique. Pendant l'année, la seule année où je me retrouvais avec la dîme que je volais là, comme revenu, j'ai compris la leçon. Et j'ai dit, plus jamais ça dans ma vie. Vous voyez, quand on n'a jamais fait cette expérience soi-même, il est difficile de dire à quelqu'un d'autre de le faire. Comme il y a des gens aussi qui s'asseyent, ils disent, mais ce que moi j'ai gagné là, c'est petit. Est-ce que je peux même enlever la dîme de là? C'est pas ceux qui ont de gros salaires seulement qui ont des problèmes. Hein? Même ceux qui ont de petits salaires, qui ont de petits revenus, peuvent se poser la question. Ce que j'ai, est-ce que je peux? Dieu ne demande pas les 10% ou bien le dixième là. C'est pas ce que Dieu demande seulement. Ça, c'est nous qui calculons, qui donnons. Si vous donnez plus, Dieu ne va pas refuser. Ou bien, et puis, si vous donnez plus, vous pensez que Dieu ne va pas vous bénir? Je pose la question, il ne va pas vous bénir? Je pose la question, vous ne savez pas? Il ne va pas vous bénir? Vous ne répondez pas. Je vous dis la vérité, si vous donnez plus, c'est comme vous avez montré à Dieu une reconnaissance. Vous, quand on vous montre de la reconnaissance, vous faites quoi? Merci pour ce que tu as fait pour moi hier. Merci vraiment beaucoup. Merci à ce moment-là. Vous dites, bon, ça va, ça va, ça va. Il ne faut plus parler de ça. Laisse. C'est comme ça? Tu lui dis, ok, il n'y a pas de problème. C'est bon. Mais dans votre cœur, là, vous sentez quoi? Vous sentez une certaine joie. Et puis, demain, vous allez donner encore plus. C'est pas cela? Je pose la question, c'est pas ça? Si. La reconnaissance en donnant ce que Dieu nous a donné, parce que c'est lui qui nous donne, en lui donnant un signe de reconnaissance, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous donne encore plus. Et souvent, nous ne comprenons pas cela. Sa parole dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et la vérité est que si vous donnez, vous recevez. Mais lorsque vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. C'est la vérité. Si vous ne donnez pas, ce que vous avez va sécher, finir. C'est Dieu qui nous rend capables de cela. Troisièmement, il y a quelque chose que nous, en tant que chrétiens, nous oublions. Nous ne savons pas que nous sommes des intendants. Je peux dire de simples intendants de tout ce que Dieu nous donne. Et l'apôtre Paul nous rappelle cela. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 2? Voici ce que Paul dit. Paul dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Si vous devez être au-dessus de quelque chose, un administrateur de quelque chose, qu'est-ce que Dieu demande de vous? Il demande quoi? La fidélité. Si vous êtes fidèle, ça veut dire quoi? Que vous allez utiliser bien ce qui est dans vos mains. Vous n'allez pas l'utiliser comme vous voulez. Regardez aujourd'hui. Les gens disent que le salaire ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils font avec leur salaire. Vous allez savoir que réellement, ils ne l'utilisent pas bien. Je vous ai dit plusieurs fois qu'à Ouaga, on ne fait plus la différence entre le week-end et le jour ordinaire. C'est pas vrai? Le long des voies là, quand vous regardez où il y a les débits de boissons, poissons braisés, ou bien porc au four et autres, est-ce qu'on fait la différence entre un jour ordinaire et puis un week-end? Il y a une différence? Il n'y a plus de différence. Vous voyez, les gens, ils veulent mettre dans leur vent. Ils veulent faire beaucoup de choses. Est-ce que c'est nécessaire? Souvent, ça les conduit même à l'hôpital et à la mort. Un sociologue a fait une étude sur Ouaga et il a dit la malbouffe à Ouaga. Si vous regardez les statistiques qu'il a faites avec des preuves concrètes, vous allez vous rendre compte que ce que le monsieur a fait comme recherche, c'est vrai. Des gens mal mangent mal à Ouaga. Et ça, ça ne fait que jouer sur leur santé. Voilà pourquoi ils sont nombreux à l'hôpital, ils meurent. C'est votre argent. Est-ce que c'est bien utilisé? Non. Et vous voulez que ça marche? C'est pas ce que Dieu dit de faire avec vos revenus. C'est ce qu'il a dit de faire avec? Non. Si vous êtes un gestionnaire doit rendre compte. C'est pas cela? Nous allons rendre compte de tout ce que Dieu a mis dans nos mains. Ou bien, et si je dis gestion, c'est dans tout. Vous êtes un papa, vous ne vous occupez pas bien de vos enfants. Et puis, un jour, vous ne pensez pas qu'il va vous demander des comptes? Comment vous êtes occupé d'eux? Comment vous les avez soignés? Comment est-ce que vous les avez éduqués? Dieu veut que nous ayons à l'esprit que nous sommes de simples intendants et un intendant doit être fidèle. Et quand nous allons dans Genèse 39, on voit comment Joseph a été un intendant fidèle. Allons dans Genèse 39. Nous allons lire du verset 1 à 5. Si tu l'as, comment tu lis? Genèse 39, 1 à 5. Et Ismaélite, qui avait emmené Joseph en Égypte, le vendit à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance du Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Celui-ci se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir pour ce qu'il entreprenait. Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Et lui confia l'administration de sa maison et de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Cette prospérité s'étendit à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Merci. Je crois que si nous lisons ce petit passage-là, en connaissant comment Joseph est arrivé dans la maison de l'Égyptien, nous allons peut-être dire que si j'étais Joseph, c'est sûr que ça ne va pas être simple. Esclave vendu, et puis voilà, il est dans une maison. Si nous repartons en arrière, on ne nous parle pas des études que Joseph a faites en gestion. Ou bien, la Bible est muette sur beaucoup de choses, mais nous n'avons pas vu Joseph quelque part en train d'apprendre la gestion, ainsi de suite. Non. Il est simplement dit que l'Éternel était avec Joseph. Vous comprenez? Si l'Éternel est avec vous, c'est suffisant. C'est pas cela? Et à cause du fait que l'Éternel était avec Joseph, il faisait son travail convenablement et avec fidélité. En tant que simple serviteur, l'Égyptien a fini par découvrir ce qui était en Joseph. À cause de sa fidélité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il l'a pris en particulier. Ça veut dire qu'il l'a pris et il l'a mis au-dessus de ses biens. Qui est fou pour donner ses biens, mettre ses biens sous la gestion de son esclave? Si c'est vous et moi, vous allez prendre un ouvrier et puis vous lui donnez tous vos biens? Votre compte en banque et tout, ça existe aujourd'hui? Draman, Même si c'est chrétien, chrétien là. On ne va pas faire ça. Mais vous voyez, lui il vient d'avoir un esclave, voilà, il le prend, et parce qu'il a fait attention, il a regardé, il a vu à travers tout ce que Joseph faisait, il y avait tellement de choses. Non, ce type-là, il est digne de confiance. Et il l'a mis au-dessus de ses biens. Et vous voyez, parce que Joseph était fidèle, même si ce n'était pas ses biens à lui, vous voyez, Dieu faisait prospérer cela. Et par la suite, quand on lit la suite, on se rend compte qu'il a toujours été un gestionnaire fidèle des biens de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut que nous soyons des intendants fidèles. Tout ce que nous avons, tout ce qu'il nous donne, on a vu, c'est par lui que nous avons tout cela. C'est pas ça? Pourquoi une telle a joli habit neuf et puis l'autre n'a pas? Dieu a permis qu'elle ait l'habit neuf. Mais cet habit, en l'utilisant, il ne faudrait pas que tu l'utilises de la mauvaise manière. Ou bien, c'est ça là? Ces motos que vous achetez toutes neuves, il ne faut pas les utiliser de la mauvaise manière. Sa mauvaise utilisation, c'est quoi? Foncer comme si tout vous appartient. Non. Vous devez vous mettre, vous devez utiliser cela d'une bonne façon. Utilement. Je me fais comprendre? Vous pensez peut-être que ce sont ceux qui ont... Chacun a quelque chose. Qui n'a rien? Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a rien? C'est pas vrai. Chacun a quelque chose. Dans ma langue, on dit souvent que celui qui dit qu'il est très pauvre là ne sait pas qu'il y a plus pauvre que lui qui l'envie. C'est pas vrai? Si. Quand vous arrêtez, vous dites je n'ai rien, c'est vous qui dites que vous n'avez rien. À côté, il y a quelqu'un qui a moins que votre rien là. Et il vous envie. Chacun a quelque chose. Tout ce que Dieu met à notre disposition, il veut que nous soyons de sages intendants. Que nous puissions bien gérer cela. Parce que nous allons rendre compte. Donc nous ne devons pas dépenser comme nous voulons. Nous ne devons pas gaspiller comme nous voulons. Non. Il faut que nous soyons des intendants fidèles devant Dieu. Donc si je récapitule, j'ai dit premièrement, ce que nous possédons appartient à Dieu. C'est ça? Deuxièmement, c'est Dieu qui nous rend capables d'avoir, de posséder ce que nous avons. Et troisièmement, Dieu nous considère comme des intendants. Et il veut que nous soyons des intendants fidèles. Je vais vous demander de vous tenir debout. Voilà ces trois caractéristiques concernant les perspectives de Dieu pour ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a confié. Chacun va aller devant Dieu. Si vous le faites bien, dites merci à Dieu. Si vous ne le faites pas bien, demandez à Dieu de vous aider à bien le faire. Parce que ce n'est pas gratuit. Si Dieu permet qu'on en parle, très difficilement, vous trouvez devant les pasteurs, ils ont souvent même, ils se gênent souvent de dire, ne parlons pas d'argent, parce que les gens là vont se fâcher. Si on parle de dîme, immédiatement ils vont dire quelque chose. J'ai dit à Paulin que on ne va pas dire à ce monsieur-là de ne pas payer, parce que si on lui dit de ne pas payer, on lui fait du tort. Et il va manquer les bénédictions de Dieu et demain il va nous accuser. Donc, chacun connaît comment il gère ce qu'il a dans sa main. Est-ce qu'on se plaint que c'est peu, mais ce que tu as, comment tu gères cela? Nous allons demander à Dieu de nous aider. Que chacun prie pour lui-même. Prions. Merci. Merci pour ton grâce. Merci pour ton amour. Oh Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Et demander à Nancy de dire encore merci à Dieu qui nous a rappelé notre conduite avec tout ce que nous possédons et de nous donner la force de pouvoir les gérer comme lui-même le veut. Merci Seigneur parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Parce que comme un bon père, quand nous avons besoin de pain, tu nous donnes du pain. Oui, Seigneur. Et tu ne nous donnes jamais une pierre à la place de notre pain quotidien. Merci Seigneur parce que tu nous donnes chaque jour la vie, tu nous fais respirer, tu nous fais vivre. Tu nous donnes aussi de l'intelligence, tu nous donnes la force, tu nous donnes tout ce qu'il faut pour prospérer dans la vie. Oui, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous gardes du mal et tu nous protèges de beaucoup de maux dans notre vie. Tout ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, tu nous donnes avec amour et avec le désir de nous voir prospérer dans la vie, de nous voir, oui Seigneur, réussir notre vie. Parce que tu nous aimes. Mais Seigneur Dieu, donne à nous aussi de comprendre que ces dons sont des dons que tu nous confies afin que nous puissions bien gérer, afin que nous puissions être de bons intendants. Seigneur Dieu, ne nous donne pas cette attitude d'égoïsme, de désir, de mauvais désir, de vouloir toujours de plus en plus. Mais donne-nous, Seigneur, d'être content, d'être reconnaissant pour ce que tu nous as donné et de bien gérer le peu que tu nous donnes afin que demain tu nous donnes encore. Oui, Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ce rappel ce matin. Donne à chacun de nous examiner et de voir combien tu es bon, combien tu es généreux envers nous. Et que nous aussi, de notre côté, nous soyons généreux et que nous donnions aux autres, que nous donnions à toi une partie de ce que tu nous as donné. Oui, Seigneur Dieu, merci parce que tu fais ce qui est bon pour nous. Oui, et tu nous épargnes beaucoup de maux. Seigneur Dieu, nos mauvais désirs nous égarent du chemin que tu traces pour nous. Donne-nous, Seigneur, à reconnaître la différence entre ce qui est bon pour nous et ce qui peut nous éloigner de toi. Oui, Seigneur Dieu, donne-nous de méditer encore ta parole cette semaine. Donne-nous à nous examiner encore plus cette semaine, afin que Seigneur, à la fin de l'année, nous soyons reconnaissants et nous soyons heureux au lieu d'être remplis d'amertume et de mauvais désirs. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien, j'allais poser une question. Ça a déjà